الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Toujours dans l'explication et le commentaire du livre de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi رحمه الله تعالى لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد La lumière de la foi, avec une explication de Cheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan, Hafidhallahu ta'ala. Donc la semaine dernière, on avait terminé le chapitre de la foi, de l'explication de la foi et de la définition de l'Iman, que c'est des paroles, des actes et une croyance par le cœur qui augmente au fur et à mesure des bonnes actions et qui diminue au fur et à mesure des mauvaises actions. On a ensuite entamé le chapitre de la croyance en l'invisible et on a montré les mérites de croire en l'invisible et que c'était quelque chose d'obligatoire pour les musulmans de croire à ce dont nous a informé Allah Azzawajal ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des choses invisibles, c'est-à-dire que nous ne constatons pas à notre époque, et cela peut être des choses passées, comme des choses présentes, comme des choses futures. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه وما ولم نطلع على حقيقة معناه قال الشيخ الفوزان حفظه الله وأما الإيمان ببعضه والكفر ببعضه فهذا كفر بالجميع فنحن نؤمن بكل ما أخبر به ما تتصوره عقولنا وما لا تتصوره عقولنا ليس لعقولنا دخل في هذا لأنها عاجزة ولا تحيط بالأشياء لا يحيط بالأشياء إلا الله جل وعلا. Puis l'auteur dit, à l'imam Ibn Qudama, rahimahullah, et il est obligatoire d'avoir la foi et de croire en tout ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont l'authenticité est avérée. Et nous devons croire aux choses que nous constatons comme aux choses qui sont pour nous invisibles. Nous savons que cela est vérité. Que ces choses dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam soient des choses qui concordent avec la raison ou que nous ne connaissons pas ou bien que ce soit des choses dont nous n'avons pas constaté la réalité. Cheikh Al-Fawzan dit, en expliquant la première parole de l'imam Al-Qudama, à savoir que nous devons croire en tout ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le fait de croire en une partie et de ne pas croire en une autre partie, cela revient à mécroire en l'ensemble. Le fait de croire à certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ne pas croire à certaines autres, cela revient à ne pas croire à l'ensemble. Car nous devons croire en tout ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nos raisons l'acceptent ou qu'elles ne l'acceptent pas, car nos raisons n'ont pas lieu d'être dans ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, car nos raisons sont restreintes et elles ne peuvent pas avoir une emprise sur les choses, car seul Allah Azzawajal a une emprise sur toute chose. ثم قال فما دام صح السند فإنه يجب الإيمان بالحديث ما دام صح سنده وهو يخبرنا عن أمور غائبة فإنه يجب علينا التصديق والإيمان أما ما لم يصح سنده فنحن غير مطالبين بالإيمان به فلابد أن يصح السند عند أئمة الحديث فإذا صح فلا كلام لأحد. Et également, nous devons croire en ce qui nous est parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique. Le hadith, dont la chaîne de transmission est authentique et que ce hadith parle de choses invisibles, alors il est de notre devoir de croire que cela est la vérité et d'avoir la foi en ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et lorsque le hadith est authentique, il n'y a la place pour parler à personne. Personne n'a le droit de parler et d'apporter des arguments rationnels qui prouvent par A plus B que ce dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut être vrai, comme l'ont fait malheureusement beaucoup de personnes à notre époque et même dans les siècles précédents, en reniant des hadiths authentiques comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé, comme le hadith de Al-Dhubaba où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque une mouche tombe dans le verre de l'un d'entre vous, qu'il la plonge entièrement puis qu'il la retire, car il y a dans l'une de ses ailes la maladie et dans l'autre le remède. Certains ont renié ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit que cela ne peut pas être acceptable rationnellement. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait-il pu dire aux musulmans de plonger une mouche dans leur verre? Walayadu billah. Il faut donc prévaloir un naqlu ala al-aql. Et ceci est une règle de toujours faire précéder un naqlu, qui sont les textes, sur al-aql, qui est la raison. Car si tu précèdes la raison sur le texte, cela amènera à coup sûr à ton égarement, car ta raison, toi être humain, est restreinte. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut pas accepter et qu'elle ne peut pas concevoir. ثم قال حفظه الله يعني لا فرق بين ما نشاهده وما لا نشاهده يجب أن نؤمن بالجميع كأنك تشاهد الغائب لأنه أخبرك عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى فهو مثل الذي تشاهده سواء بسواء وسواء في ذلك ما تصورته عقولنا وما لم تتصوره عقولنا العقول ليس لها دخل في هذا أمور الغيب لا تتصورها العقول مثلا عذاب القبر وأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار لا تتصور هذا عقول البشر. Nous devons donc croire à tout ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans faire de distinction sur ce que nous avons constaté par nous-mêmes comme ce dont nous n'avons pas constaté par nous-mêmes. Nous devons croire à l'ensemble et de croire en l'invisible comme si nous le voyons et comme si nous le constatons par nous-mêmes, car c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, celui dont la parole est révélation sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous en a informé. Nous devons donc considérer cette chose invisible comme étant réelle, sans faire de distinction et sans y appliquer notre raison, car la raison n'a pas lieu d'être dans les choses de l'invisible, comme par exemple le châtiment de la tombe et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ait informé que la tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis ou soit alors un trou parmi les trous de l'enfer. Ceci est quelque chose que nos raisons ne peuvent concevoir. وَلِهَذَا يَقُولُ بَعْضُهُمْ يَقُولُونَ يَصِيرُ الْمَيِّتُ تُرَابًا وَلَوْ حَفَرْنَا الْقَبْرَ مَا وَجَدْنَا عِنْدَهُ نَارًا وَلَا وَجَدْنَا عِنْدَهُ جَنَّةً نقول هذا ليس من العالم المشاهد عالم الدنيا هذا من عالم الآخرة الذي لا يعلمه إلا الله وأنت لا تحس به وليس من لازم صحة الشيء ووقوعه أنك تشاهده هناك أشياء موجودة وأنت لا تراها ولا تشاهدها وهي موجودة وأنت لا تدركها أبدا. Puis Cheikh Rahim Hafidahullah dit, et ainsi certaines personnes disent que le mort devient poussière. Et si nous étions amenés à sortir son corps de sa tombe, nous n'y trouverons ni feu ni paradis. La réponse, comme le dit Cheikh Al-Fawzan, nous disons ceci ne fait pas partie de ce monde, du monde que nous vivons, du monde que nous constatons par nous-mêmes, ce monde d'ici-bas, mais ceci a un rapport avec le monde de l'au-delà. Et le monde de l'au-delà, seul en a connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des choses que nous ne ressentons pas, des choses que nous ne constatons pas. Et le fait qu'une chose que tu ne vois pas, cela ne veut pas dire que cette chose n'existe pas. Car il y a beaucoup de choses qui existent, que nous ne voyons pas et que nous ne pourrons jamais comprendre. Mathalan, مما يقرب هذا ينام اثنان بعضهم إلى جانب بعض هذا ينام نوما هادئا ومريحا ولذيذا وهذا ينام نوما مقلقا ومزعجا مليئا بالأحلام المزعجة والمنغصات في نومه وهذا إلى جانب هذا ولا هذا يحس بهذا ولا هذا يحس بهذا فإذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف بأمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله كذلك الأموات منهم من هو في نعيم ومنهم من هو في عذاب وإن كان بعضهم إلى جانب بعض فلا يا هذا يحس بنعيم هذا ولا هذا يحس بعذاب هذا كل يتعلق به حكمه. الشيخ الفوزان حفظه الله donne un exemple concret pour nous faire comprendre le fait qu'il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui pourtant existent. Il a donné l'exemple de deux personnes qui dorment l'une à côté de l'autre. L'un dort tranquillement, paisiblement, et il a l'air de savourer son sommeil. Quant à celui qui dort à ses côtés, son sommeil est dérangé, son sommeil est plein de cauchemars qui l'effraient et qui le troublent. L'un est à côté de l'autre, alors que l'un ne sait pas ce que l'autre ressent et l'autre ne sait pas ce que l'un ressent. Ceci est un exemple donné en rapport avec des choses de cette vie d'ici-bas. Que dire alors de choses en rapport avec l'au-delà que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Ainsi, il y a parmi les morts certains qui sont dans des délices, d'autres qui sont dans le supplice, et l'un ne sait pas ce que l'autre subit, et vice-versa. هذه قدرة الله جل وعلا التي لا يعجزها شيء والله حجب عنا أمور الآخرة وعذاب القبر من أمور الآخرة وإنما نحن نؤمن به بناء على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمن أن الميت يعذب أو ينعم وإن كنا لا نحس بهذا ولا نراه وفي حجبه عنا رحمة بنا. Et ceci fait partie de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que nul ne peut contredire. Allah subhanahu wa ta'ala a caché ou nous a caché des choses en rapport à l'au-delà. Et ceci est une miséricorde d'Allah Azzawajal nous concernant. Le châtiment de la tombe fait partie de l'au-delà. Et nous croyons en ce châtiment de la tombe, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé. Nous croyons donc que le mort dans sa tombe, soit il est châtié, ou soit il est récompensé, même si ce sont des choses, à savoir le supplice et le châtiment dans la tombe, ce sont des choses que nous ne constatons pas, ce sont des choses que nous ne ressentons pas, que nous ne voyons pas, mais nous devons y croire, et le fait qu'Allah Azza wa Jalla nous les ait caché cette chose sont une miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قول صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما أسمعني فالله جل وعلا حجب عنا هذا حجب هذا عنا رحمة بنا. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit لولا أن لا تدافنوا, si ce n'était le fait que vous ne voudriez plus vous enterrer les uns les autres, j'aurais demandé à Allah de vous faire entendre min adhab ahli al-qubur, une partie des châtiments des habitants des tombes, ce qu'il m'a fait entendre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce n'était la peur que vous ne vous enterrer, yani que les uns et les autres refusiez de vous enterrer. C'est-à-dire que si Allah Azza wa Jal nous faisait entendre une partie des châtiments de la tombe, ce serait une chose tellement terrible, tellement horrible, que nous aurions peur d'enterrer nos morts. Et que nous dirions, autant laisser les morts pourrir à la surface de la terre plutôt que de les enterrer et qu'ils subissent les châtiments dont nous avons entendu une partie de ceci. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si le châtiment de la tombe est entendu par toute chose sauf al-thaqalayn, sauf les êtres humains et les djinns. Autrement dit, les animaux, eux, peuvent entendre les châtiments de la tombe. Et le prophète sallam a dit, et si il l'entendait, c'est-à-dire à Thakhalen, les djinns ou les êtres humains, la sa'iq, ils tomberaient raide mort, car ce qu'ils entendraient serait terrifiant. فالميت يضرب في قبره فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين ولو سمعها الإنسان لصعق يعني لمات فمن رحمة الله أن حجب عنا هذا ولن نسمعه ولا نراه رحمة بنا فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا وأول أمور الآخرة عذاب القبر فهو أول منزل من منازل الآخرة وما يجري فيه فهو من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. أي شيخ الفوزان حفظ الله دي. Le mort sera donc frappé dans sa tombe et il criera et émettra un cri qu'entendra toute chose sauf les êtres humains et les djinns. Et si les êtres humains entendaient cela, ils tomberaient raide mort. C'est donc une miséricorde d'Allah Azza wa Jal de nous avoir caché cela, de le fait de ne pas voir, de ne pas entendre ceci est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal nous concernant. Et les choses de l'au-delà ne peuvent être comparées aux choses de cette vie d'ici-bas. Et la première des choses de l'au-delà, c'est le châtiment de la tombe. Car c'est la première étape parmi les étapes de l'au-delà. Et ce qui se passe dans le monde de l'au-delà, seul Allah Azza wa Jal en a la connaissance. ثم قال المؤلف رحمه الله مثل حديث الإسراء والمعراج مثل حديث الإسراء والمعراج. Et l'auteur dit, comme par exemple le hadith de l'Isra et al-Mi'raj, c'est-à-dire nous devons croire en tout ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans y faire entrer nos raisons. Puis l'imam ibn Qudama rahimahullah donne des exemples de ces hadiths dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui font partie de l'invisible et qui doivent être considérés comme vrais et bien plus doivent faire partie de la croyance du musulman. من الأخبار التي أخبرنا الله عنها ورسوله الإسراء والمعراج. قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يعني من مكة المشرفة إلى المسجد الأقصى في فلسطين الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وبين مكة وفلسطين مسافة تقطعها الإبل في شهر، والرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة واحدة، وعاد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. وجاءه جبريل عليه السلام وهو نائم في مكة، وحمله على البراق دابة يركبها الأنبياء، وذهب إلى بيت المقدس وخطوها عند مد بصرها، ثم إنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم إنه عرج به، يعني صعد به إلى السماء بروحه وبجسمه يقظة لا مناما. الشيخ الفوزان دي حفظه الله parmi les informations dont nous a informé Allah Azza wa Jal ainsi que son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ascension, al-Isra'u wal-Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala dit: gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée al-Haram à la mosquée al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Linuriyahu min ayatina. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur. Qui a fait voyager son serviteur? Allah subhanahu wa ta'ala. Et son serviteur ici c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Laylan, c'est-à-dire de nuit. De la mosquée al-Haram. De la mosquée al-Haram qui est la mosquée de la Mecque. Et ici, Cheikh Al-Fawzan dit يعني من مكة المشرفة, c'est-à-dire de la Mecque bénie. Pourquoi ici Cheikh Al-Fawzan a dit من مكة alors que Allah Azza wa Jalla a dit من المسجد الحرام. À كل حال, il y a un khilaf des mufassirin et dans la sunna du professeur sallam, il y a un hadith authentique qui dit que le professeur sallam était dans la maison de Hani, que le professeur sallam a été que l'ascension a commencé, que l'Isra a commencé de Bayt Hani. Et Hani, c'est la fille de Abu Talib. Autrement dit, c'est qui? C'est la sœur de Ali radiyallahu anhu, et qui est la cousine donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains savants ont même déduit de cela que Mecca est entièrement un haram. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de la maison de Hani qui se situe à Mecca, et Allah azza wa jalla a parlé de al-masjid al-haram. Il y a donc considéré al-masjid al-haram comme étant l'ensemble de la Mecque, donc que le mérite de la prière à la Mecque est englobé à l'ensemble de la Mecque. Donc cela est une preuve des savants qui considèrent que la Mecque entière est sacrée et que le mérite des 100 000 est étendu à l'ensemble de la ville de Mecca. Jusqu'à Al-Masjid al-Aqsa en Palestine. Et entre la Mecque et la Palestine, il y avait une distance qui était parcourue à l'époque en chameau en un mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de la Mecque en Palestine, puis est revenu, et tout ceci en une seule nuit. Jibril alayhi salam est venu à lui alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait à la Mecque, comme on l'a vu dans la maison de Hani radiallahu anha. Et c'est Al-Buraq qui a transporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Buraq, c'est une monture qu'ont monté les prophètes et envoyés d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les prophètes qui ont monté cette monture, Ibrahim alayhi salam, il montait cette monture notamment lorsqu'il allait rendre visite à Ismaïl et Hajar alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en montant sur Al-Buraq jusqu'à Beit al-Maqdis, qui est al-Masjid al-Aqsa, qui est la mosquée de Jérusalem. Et la vitesse de Bouraq est que un pas l'emmène jusqu'où ? Jusqu'à la portée de sa vue, c'est-à-dire la portée de la vue de Bouraq. Il suffisait de faire un pas pour arriver à la portée de sa vue. Et le prophète sallam a présidé la prière derrière l'ensemble ou devant l'ensemble des prophètes dans la mosquée de Jérusalem. Puis le prophète sallam a commencé son ascension vers les cieux, et ceci par son âme et son corps. Et le prophète sallam est monté en état d'éveil et non en état de sommeil. وهذا من آيات الله ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعراج مذكور في أول سورة النجم، والإسراء مذكور في أول سورة بني إسرائيل، سبحان الذي أسرى بعبده، والسرى هو السير ليلا. Ceci fait donc partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela fait partie des miracles du prophète صلى الله عليه وسلم. Et Al-Mi'raj a été cité dans le début de Surat Al-Najm, Surat les étoiles. Al-Mi'raj, qui est le fait de, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté de Jérusalem vers les cieux. Quant à Al-Isra, c'est-à-dire le voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre la Mecque et la Palestine, ceci a été cité dans le début de Surat Bani Israël. Car Surat al-Isra est aussi appelée la Surat des fils d'Israël. Il y a des hadiths à ce sujet. Et Al-Sura, c'est-à-dire Al-Isra, signifie le fait de voyager de nuit. Wallahu Jalla wa ala yaqul fil Isra, linuriyahu min ayatina, fa'arahu min ayatihi fi hadihi layla, al-shay al-ajib, fi malakuti al-samawati wal-ard, wara'a al-jannata wal-nar, wara'a ahla al-nar fiha, ورأى أهل الجنة فيها وكلمه الله من وحيه بما شاء وفرض عليه الصلوات الخمس من فوق سبع سماوات ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ثم جاء إلى مكة في ليلة واحدة فأصبح يخبر الناس. الله عز وجل a dit dans sourate al-Isra afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Allah Azza wa Jal lui a fait donc voir parmi ses signes dans cette nuit des choses étonnantes en rapport avec la royauté des cieux et de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a notamment vu le paradis et l'enfer. Il a vu les gens de l'enfer, il a vu les habitants du paradis. Allah Azza wa Jal lui a adressé la parole directement et il lui a ordonné notamment les cinq prières, et ceci du dessus des sept cieux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu sur terre et est arrivé à la Mecque, tout ceci en une seule et même nuit. Et le lendemain, le prophète alayhi salatu wa sallam a informé les gens de tous ces événements qui ont eu lieu dans cette nuit, à savoir le voyage de la Mecque en Palestine, à savoir le fait qu'il ait présidé la prière dans la mosquée de Jérusalem, puis qu'il ait commencé son ascension à Fouan dans les cieux, dans lequel il a rencontré beaucoup de prophètes, parmi eux Ibrahim, Moussa alayhi salam, Youssouf, Idris, et beaucoup d'autres hadiths, et beaucoup d'autres prophètes à Fouan, qui ont été cités dans le hadith de l'Isra wal Mi'raj, qui est notamment rapporté dans le Bukhari, mais bien sûr dans les Sunan. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك